Donc, dans le terme ta'alaw, dans le verset, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ, dit aux gens du livre, ta'alaw a une parole de toute équité, a une kalima de toute équité. Ta'alaw, on a dit, c'est venir et s'élever. Comme on dit, Allah Ta'ala, le Très-Haut. Subhanahu wa ta'ala. Gloire exaltée soit-il, ou élevée soit-il, au-dessus de ce qu'il y a ceci. Donc, élevé. Donc, s'élever de quoi? S'élever de shirk. S'élever des fausses croyances. S'élever de la souillure de la mécréance. À la pureté de l'islam, à la pureté du tawhid. Vous allez devenir des vrais hommes. Des vrais serviteurs d'Allah, abd, le plus haut degré. Au lieu de partager la réalité universelle avec les bêtes, avec les animaux. Parce que même les animaux, ils mangent, et ils dorment, et ils s'accouplent. Donc, s'élever de ce degré-là. S'élever vers l'unicité, vers l'adoration d'Allah. D'accord ? Ne pas partager ça avec les bêtes, les animaux. Ne pas être bas. Il faut être un serviteur d'Allah. Ta'alaw ila kalimati sawa. Élevez-vous. Élevez-vous. Allah na'abuda illa Allah, que nous n'adorions qu'Allah. Wala nushrika bihi shay'a, sans rien lui associer. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. D'accord ? Seigneur en dehors d'Allah. Pourquoi ? Parce que les juifs et les chrétiens, ils ont pris leur rabbin et leur moine comme Seigneur en dehors d'Allah. D'accord ? Ils ont associé Allah. Il dit, rahmukallah, il dit dans Surah Tawba, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو تعالى عما يشركون. Ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ fils de Marie comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Dans la sourate 9 et le verset 39. Donc, ils ont pris leur moine et leur rabbin comme seigneur. Et on a parlé de ça, on a dit que Adi ibn Hatim, quand il était chrétien, et quand il a entendu le prophète sallam réciter ces versets, il a dit, nous ne les adorons pas. Il a cru que l'adoration, ça veut dire se prosterner devant le cheikh, l'imam, ou se prosterner devant le moine, ou le rabbin, ou... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a éclairci la chose. Il a dit, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah a rendu licite, et vous voulez autoriser, vous voulez interdiser, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah a rendu licite, et vous voulez interdiser? Il a dit, oui, certes. Il a dit, n'autorise-t-il pas ce qu'Allah a rendu illicite et vous vous l'autorisez? Il a dit oui. Il a dit, c'est ainsi que vous les adorez. Si vous les suivez dans tahlil haram ou tahrim halal, dans l'interdiction de ce qui est autorisé et dans l'autorisation de ce qui est interdit, ça veut dire que vous les avez égalés avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous les avez égalés dans la législation, dans l'ordre religieux. Ça veut dire Allah il légifère, et le moine il légifère, et le cheikh il légifère. D'accord ? Vous les avez égalés dans ça, et vous les avez égalés dans quoi ? Dans l'obéissance. Donc c'est ainsi que vous les adorez, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tilka ibadatukum iyahum. Donc vous les avez, c'est une adoration. Ça c'est shirk. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Les shayatins, les diables inspirent à leurs alliés pour qu'ils disputent avec vous. Si vous les obéissez, vous deviendrez certes des mécréants. Si vous les obéissez dans l'interdiction du halal et dans l'autorisation du haram. Donc, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et que nous ne prenions pas les uns les autres comme Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça concernant شَهَادَ أَلَّا إِلَى اللَّهِ. Tous les arguments, le cheikh a donné des arguments. Maintenant, شَهَادَ de que Muhammad est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'envoyé d'Allah. D'accord ? Le témoignage, dalil, le شَهَادَ, l'évidence de la seconde partie du témoignage ou attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, le témoignage qu'on doit, c'est Ifrad Allah. Allah est unique dans, le, dans, dans l'adoration et le professeur sallam, il est unique dans l'obéissance et dans le fait de le prendre comme modèle. Ifraduhu ka uswa. Donc il y a une unicité même dans le témoignage, quand on dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça veut dire je le prends lui comme modèle en dehors de tout autre, en dehors de toute autre idole, peu importe cette idole. Ça peut être un shir, un imam, un moine, un rabbin, une star de télé. Je m'habille comme il s'habille, je marche comme il marche, je parle comme il parle. Non, on prend comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a tawhid, l'unicité dans l'uluhiyya, que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Et il y a aussi l'unicité dans l'ittiba, dans le fait de suivre, qu'on ne suit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si les grands savants, s'il s'avère qu'ils contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une sunna, on ne suit pas les grands savants, on ne les imite pas aveuglément, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe cette personne, qu'il soit l'imam Ahmed ou Abu Hanifa ou l'imam Malik ou Tsawri ou même les compagnons. D'accord ? Donc, le modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a parlé du dalil, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitsum. L'évidence de la seconde partie du témoignage ou attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah ou messager d'Allah est ainsi cité dans le Saint-Coran. Il vous est venu un messager de parmi vous, très peiné de l'adversité dont vous souffrez, très désireux de vous sauvegarder, compatissant et miséricordieux pour les croyants. Donc ça c'est dans Surat 9 et le verset 128. Donc quelle est la preuve que Mohammed est l'envoyé d'Allah? Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah? Quelle est la preuve? C'est le Coran. Il a testé lui-même. Et après, je donne les autres arguments, les étoiles, etc., etc. D'abord, cette preuve, d'abord le verset révélé, d'abord sa parole à lui. Quelle est la preuve que le prophète sallam est le messager d'Allah, que Mohammed est le messager d'Allah? La preuve, c'est que Allah a témoigné que Mohammed est son envoyé. D'accord. Et après je donne les autres arguments. Qu'il était véridique, qu'il était digne de confiance, qu'il était ça. Et il est impossible qu'un être humain sur terre l'égale dans son éminence, etc. Ça c'est en deuxième degré. Mais d'abord, quelle est la preuve que Mohammed est l'envoyé d'Allah? Allah il atteste. D'abord la signature d'Allah. Le témoignage, le cachet d'Allah en premier. Après on donne les autres arguments. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Dans la fin de sourate Ra'd, sourate Tonnerre, Allah il dit: et ceux qui ne croient pas disent: tu n'es pas un messager. Dis: Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il suffit comme témoin entre vous et moi que je suis vraiment le messager. Donc témoignage d'Allah. Témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Dans sourate Muhammad, Allah il dit: Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Donc dur, désaveu, négation envers les mécréants. Affirmation, miséricordieux entre eux. Alliés les uns des autres. D'accord? L'alliance et le désaveu. Donc, comme le témoignage de l'Uluhiyya de l'adoration, on réfère toujours au Coran. Donc, les gens du Kalam, pourquoi j'affirme ça? Pourquoi j'insiste sur ce point? Et ça va être éclairci après. Vous allez voir une vision claire sur la réalité où vous vivez, après, Inch'Allah. Parce que les gens du kalam, les gens de la spéculation, les gens de la philosophie, les soufis en général, ils se réfèrent à quoi? Au miracle. Ils disent que la preuve que Mohammed est l'envoyé d'Allah, c'est parce que la lune s'est fondue en deux, c'est parce que l'eau a jailli de ses doigts, c'est parce qu'il a été, Allah lui a donné des miracles. D'accord? Ils commencent par le mu'jiza, d'abord par le miracle. Donc, si, enfin, il y a une chose. Les miracles, les ruptures d'habitude, le khawariq, les prodigues, ces choses-là, elles peuvent être accomplies soit par les véridiques, comme par les imposteurs. D'accord ? Les ruptures d'habitude. D'accord ? La personne, il vole dans le ciel, il marche sur l'eau, etc. Ça, le kafir peut le faire, le mécréant et le musulman peut le faire. Les deux peuvent le faire. D'accord ? Donc, ce n'est pas un argument. D'accord ? Ce n'est pas un argument solide parce qu'on ne sait pas. Est-ce que ce miracle-là ou cette rupture d'habitude a lieu par la personne véridique ou par l'imposteur ? D'accord ? Donc, ce n'est pas le seul moyen de connaître un prophète. C'est l'un des moyens, mais ce n'est pas le seul moyen de connaître, de faire la différence entre un prophète ou un faux prophète, entre un allié d'Allah et un allié de Satan. D'accord ? Et comme j'ai dit, on ne peut pas aussi faire la différence, parce qu'on ne peut pas faire la différence entre le miracle prophétique et la sorcellerie et la magie. D'accord ? Parce que c'est deux ruptures d'habitude. On ne peut connaître que la rupture d'habitude, le mu'jiza, la rupture d'habitude est appelée mu'jiza. Il vient d'un prophète ou d'un allié d'Allah ou il vient d'un sorcier que si on expose cette personne qui a fait ça à la lumière du Coran et de la Sunna. S'il est véridique, s'il suit le Coran et la Sunna, on dit qu'il est un allié d'Allah. Si c'est un menteur, c'est un pervers, on dit que c'est un allié de Satan. Et le prodigue qu'il a fait, c'est de l'imposture, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est du mensonge, c'est du faux. D'accord ? Les prophètes, certes, ont apporté à leur communauté, bon, des miracles. Ils ont apporté des preuves évidentes, qui sont les paroles d'Allah, d'abord. La parole d'Allah. Et ils ont ramené des miracles. La chamelle qui sort du rocher, parce que ça, c'est les gens qui ont la foi basse qui demandent ça. Les kofars, en général, ils demandent, sors-nous une chamelle du rocher. Ah, t'as vu comment ils pensent, les mécréants, ils ont entouré comme ça, ils ont vu un rocher. Ben, pour qu'on croit en toi, ben, tu me sors une chamelle. Et grande chamelle, et il y a d'autres, ils ont ajouté, ils disent une chamelle qui est enceinte. On ne veut pas une chamelle qui n'y pense. Les idées des koufars. Quand quelqu'un ne croit pas, c'est terrible. Donc ça ne lui suffit pas la parole d'Allah. Et là, ça, pour le peuple de Thamoud, le peuple qui a été envoyé, le prophète ou l'envoyé Saleh alayhi salam, donc la chamelle qui sort du rocher, le fait de guérir les lépreux ou les aveugles nés, ressusciter les morts par Isa alayhi salam, Moussa le bâton, la main étincelante, le prophète alayhi salam aussi, le fait la nuit qui se fond en deux, l'eau qui jaillit de ses doigts et la nourriture qui se multiplie et donc il y a beaucoup de miracles. Donc Allah, il donne les miracles aux prophètes. Donc il y a ça. Il y a d'abord il y a les signes révélés, les preuves en priorité. Comment on témoigne la prophétie d'un tel prophète ou qu'il est envoyé d'Allah, c'est le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, les versets révélés. Ça, pour les gens qui ont la science et les gens qui ont la foi, qui croient en Allah, ça leur suffit les versets révélés. La deuxième chose, c'est les qualités exemplaires qu'ils avaient avant de recevoir la révélation. Les qualités, la véridicité, la patience, la sagesse, le courage, la bonne moralité. Tout ça, c'est des preuves que c'est des gens, que c'est des alliés d'Allah et c'est des prophètes et c'est des envoyés d'Allah. La troisième, c'est les miracles. Donc d'abord, la parole d'Allah, la moralité de la personne, qu'il est sérieux, qu'il est courageux, etc. Il a des qualités que rares les hommes les ont. Et troisième chose, c'est les miracles. C'est les miracles. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala dit: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Nous avons, dans ce hadith, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. Donc, avec des preuves évidentes, les miracles, et fait descendre avec eux le livre, la parole révélée. et la balance, la justice. La justice. Donc, dans Surat 57, c'est le verset 25. Donc, quand cette rupture d'habitude, ou cette chose extraordinaire, prodigieuse, elle est accomplie par les mains d'un prophète ou envoyé, qu'on a connu par ses hautes qualités et par le témoignage d'Allah, on dit que ce sont des mu'jizat. D'accord ? Quand ils s'accomplissent par les mains d'un prophète. Après le témoignage d'Allah, Allah est témoin que telle personne, tel homme est son prophète. Et que cette personne, il fait des miracles, on appelle miracle mu'jiza, parce qu'il est attribué à l'envoyé au prophète, à l'envoyé d'Allah au prophète d'Allah. D'accord ? Et quand ces ruptures, d'habitude, elles s'accomplissent par les mains d'une personne, d'une autre personne, en dehors des prophètes et des envoyés, des messagers, si cette personne, à cette personne, on doit l'exposer sous la lumière du Coran ou la Sunna. Ça, c'est après les prophètes, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette personne est véridique, il a les qualités, il suit le Coran et la Sunna, donc ce qu'il a fait, c'est une karama. Karama. C'est karama al-awliya. C'est une karama, c'est un prodige des alliés d'Allah. Comme Abu Muslim al-Khawlani, qui est rentré dans le feu sans être brûlé. On l'a mis dans le feu, il n'a pas été brûlé par ce feu-là. D'accord ? Et c'est arrivé à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Et Abu Muslim, c'est l'un des grands tabi'in, l'un des grands savants. Il est un grand compagnon des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il a fait, c'est un prodige, une karama. D'accord ? Et si cette rupture d'habitude, elle est accomplie par les mains de quelqu'un, d'un imposteur ou un menteur ou un injuste ou un mécréant, on dit que ce n'est qu'illusion et ce n'est que magie et ce n'est que sorcellerie et c'est du faux. D'accord ? Alors, comme dans les sorciers qui ont jeté leur bâton, lancé leur bâton à Moussa et tout, quand Moussa il a dit « Qala alqou falamma alqou » سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم quand Moussa il leur a dit jetez vos bâtons jetez dit-il puis lorsqu'ils eurent jeté ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie dans sourate al-a'raf sourate 7 le verset 116 l'imam Shafi'i on a dit à l'imam Shafi'i on a rapporté à l'imam Shafi'i que Abu Thawr, l'un des grands savants, a dit, si tu vois la personne marcher sur l'eau ou voler en air, il ne faut pas être impressionné par lui, sauf si tu l'exposes sous la lumière du Coran et la Sunna. On a dit ça à l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i, il a ajouté. Il a dit, Abu Thawr a dit, ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu vois la personne marcher sur l'eau et voler en l'air et rentrer dans le feu, qu'il ne te trompe pas, que tu ne sois pas impressionné par lui, sauf si tu le mets sous la lumière du Coran et de la Sunna. D'accord ? C'est ça la foi du croyant. Tu voles ou tu rentres dans le feu ou la personne il fait ce qu'il veut. Il suit la parole d'Allah qui a plus d'effet que les prodiges, que les cieux et la terre. Que si on met la ilaha illallah sur un plateau de la balance et les cieux et la terre sur l'autre, la ilaha illallah elle est plus lourde. Ça veut dire son incidence, sa signification, elle est plus lourde. D'accord ? Donc, nous, c'est les paroles d'Allah qui ont plus d'effet sur nous qu'on n'importe quelle chose prodigieuse. Et les vrais croyants ne s'attendent pas, ça leur suffit la parole d'Allah. Les miracles, bon, ça pour raffermir davantage la foi, mais en général, les miracles, les prodiges, c'est pour les gens qui ont la foi basse. C'est pour les gens qui ont la foi basse. Et des choses pareilles, ça veut dire ces ruptures d'habitude, ils ont été accomplis par les mains de menteurs, d'imposteurs, comme l'Aswad al-Unsi qui est au Yémen. Lui, il a prétendu être prophète à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort pendant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que je suis le prophète et il montre aux gens des chevaux avec des ailes qui montent dans le ciel. Il leur dit, ce sont les anges. ce sont avec des gens qui montaient ces chevaux-là. Il dit, c'est des anges qui montaient les chevaux d'Allah. Il leur fait voir ça. D'accord. Est-ce que ça prouve que c'est qu'on doit le suivre, que c'est une personne véridique, que c'est un prophète? C'est un imposteur, c'est un menteur. Et la plus grande preuve, l'Antéchrist. L'Antéchrist, il va demander au ciel de pleuvoir, il va pleuvoir. Que ça veut dire qu'on doit le suivre. Donc la rupture d'habitude, ce n'est pas une référence. Parce que chez les bouddhistes, il y a des ruptures d'habitude, il y a des choses prodigieuses. Les hindouistes, les chrétiens, tu trouves ça partout. Ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est est-ce que la personne, il dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », est-ce qu'il suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne juge pas un allié d'Allah, un wali d'Allah par les prodiges, parce qu'Allah il dit « Ala inna awliya Allahi, la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun, alladhina amanu, wa kanu yattaqul ». En vérité, les bien-aimés d'Allah, ou les awliya d'Allah, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés ceux qui croient et qui craignent Allah. Comme Allah il dit dans Surat Yunus, les versets 62-63, Surat 10. Donc, il faut qu'ils croient et ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on reconnaît un allié d'Allah. Et chaque personne, c'est selon sa foi. Il peut, si sa crainte elle monte, la crainte d'Allah, la piété, la croyance, il a un degré d'alliance avec Allah qui est très haut. D'accord? Et s'il tombe dans les péchés, il baisse. Cette alliance avec Allah, si walayat Allah, elle baisse. Et donc, on récapitule maintenant. Récapitulons. Donc, preuve de la prophétie, premièrement, quoi? Qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum, témoignage d'Allah dans le Coran. Pourquoi Mohammed est l'envoyé d'Allah? Ben, réponse, parce que Allah, il a témoigné que Mohammed est son envoyé. Premièrement, d'abord ça. Deuxième chose, les qualités, les valeurs morales, son équité, son courage, sa sincérité, sa véridicité, et ça c'est la raison. Parce que l'islam, c'est religion et raison. Ils sont en conformité. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Allah, il dit dans surat Mulk. Et il dit, les gens de l'enfer, si nous avons suivi, entendu, et qui dit entendu la révélation. Sama, c'est ce qu'on appelle Sama. L'adilla sam'iya, l'épreuve sam'i, ça veut dire l'épreuve évidente dans le Coran. Ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ, si nous avions entendu, entre parenthèses, révélation, et raisonné. أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, nous ne ferions point partie des gens de l'enfer, de Sa'ir. Donc, le fait qu'ils ne raisonnent pas, ça les a menés en enfer. Donc, la raison. La raison. Et on va donner des exemples des gens qui raisonnent, qui gardaient leur fitra. Donc les valeurs, la véridicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dans la sira, quand il a vu Jibril sous sa vraie forme, on sait dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'a vu au début de la révélation, il l'a vu quand? Quand il est monté au ciel, le voyage, l'Isra ou le Mi'raj, quand Allah l'a élevé vers lui. Il a vu Jibril sous sa vraie forme. Et il rentra chez Khadija radiallahu anha, terrifié. Et il lui a dit, couvrez-moi, zamilouni, zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il grelottait, sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, comment, avec une totale confiance, il l'apaisa par ses mots. Regarde. Il a dit, par Allah, il ne t'arrivera aucun mal. Il lui a dit, ne crains rien. Allah ne t'abandonnera jamais. Regardez la raison. Car tu fais du bien à tes proches. Tu fais du bien à tes proches parents. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu pourvois les dénués. Tu traites généreusement les hôtes et tu soutiens ceux qui défendaient les justes causes. C'était pas le voyage nocturne, c'était quand il faisait Il a eu deux fois, il a vu deux fois Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. La première fois au début de la révélation, la deuxième fois quand Allah l'a élevé vers le septième ciel. D'accord. Donc Khadija lui a dit ça. Pourquoi Allah il ne va pas t'abandonner? Pourquoi? لأنك tu fais du bien à tes proches. تصل الرحم. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu pourvois les dénués, tu traites généreusement les hautes et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes. وتعينوا على نوائب الحق. Les valeurs morales. Prouve que tu es une personne, un homme véridique et qu'Allah ne t'abandonne pas. D'accord? Donc ça c'est le deuxième argument solide. Donc il a donné comme preuve de sa prophétie ses qualités. Il n'est pas dit, il n'y a pas dit attends, il faut d'abord qu'on voit est-ce que Allah va te donner un bâton comme il l'a donné à Moussa et je vais te suivre à la mer rouge et tu vas frapper l'eau, est-ce que ça va se fondre en deux ou que tu vas monter au ciel? Non, c'est qualité, ça suffit. Et c'est pour ça que Hassan ibn Thabit il disait dans à ses propos les poèmes suivants, les vers suivants. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهتك بديهته تأتيك بالخبر لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. S'il n'avait ramené aucun signe clair, sa moralité suffit pour t'informer de sa prophétie. Les gens qui raisonnent et qui croient. Abdullah ibn Salam, il a dit, quand je l'ai vu, Abdullah ibn Salam était juif et après il a embrassé l'islam. Quand, il a dit, quand je l'ai vu, j'ai su que son visage n'est pas celui d'un imposteur. Subhanallah. Et Abu Bakr, il a dit, il est allé voir Abu Bakr, il a dit, voilà, je suis le prophète. Il a dit, tu es le prophète. Aucune hésitation. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais menti, qu'il est digne de confiance quand il dit quelque chose et il est vrai. Il connaît l'homme avant de connaître le prophète. Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il dit, il n'y a pas de personne qui n'ait caché quelque chose, quelques mensonges dans son cœur sans qu'Allah ne le dénonce, soit par une parole qui échappe de sa langue, soit par les traits de son visage. Et c'est pour cela que Moussaïlima, le menteur, fut vite dévoilé. L'Aswad al-Ansi fut vite dévoilé. Sajah fut vite dévoilé. La femme qui a prétendu être prophète. Mirza Ghulam al-Qadiani, celui la tête de la secte qadianite qui se trouve en Inde, les qadianites, il fut vite dévoilé que c'est un imposteur et un menteur. Donc c'est la première chose témoignage d'Allah. La deuxième, qu'il est le prophète, c'est ses qualités. Et l'histoire de Héraclès, c'est une grande preuve. En est une preuve claire. Parce que Héraclès, il n'a pas posé, quand l'histoire de Héraclès, quand le prophète sallam, il a envoyé Dihya al-Kalbi. Vous avez sûrement entendu dans la Sira l'histoire de Héraclius quand il a pris Abu Sufyan. Abu Sufyan se trouvait au Sham à l'époque qu'il a Héraclius, il a vu dans un rêve ou il a vu dans les étoiles selon deux versions que le roi ou que le prophète de la circoncision est arrivé et qu'il a demandé est-ce que qui se circoncit d'entre les gens et ses notables et sa police à lui, ils lui ont dit c'est les juifs et il a décidé de tuer tous les juifs jusqu'à ce qu'ils ont trouvé quelqu'un jusqu'à ce qu'il a découvert après que c'est les arabes aussi et ils se circoncisent et il a dit voilà c'est un prophète qui a été envoyé aux arabes et il a dit à ses polices à ses autorités et tout de ramener quelqu'un qui est de sa parenté, qui est de la parenté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a vu dans les étoiles ou dans un rêve que Mohammed va être envoyé et qu'il va prendre son royaume. Et ils ont trouvé qui? Abu Sufyan, qui était mécréant à l'époque. Il faisait du commerce au Sham et ils l'ont ramené. Ils ont dit à Abu Sufyan, qui est un proche parent du prophète, puisqu'il se rencontre dans le quatrième père, Abdimanaf, Mohammed ibn Abdillah. Mohammed ibn Abdillah, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf. D'accord, le quatrième. Et Abu Sufyan, le quatrième grand-père, c'est Abd al-Manaf. Donc il fait partie de sa parenté. Et quand il l'a convoqué Abu Sufyan dans son palais, il lui a posé les questions que vous vous rappelez des questions qu'il lui a posées. Il lui a dit, est-ce qu'il fait des miracles? Ça faisait partie des questions qu'il lui a posées. Et Hiraql, pour s'assurer de la prophétie de Mohammed, il lui a posé les questions suivantes. Il a dit d'abord, rapprochez-le vers moi, à vos pieds. Il a dit, laissez ses compagnons derrière lui, parce que s'il ment, faites-moi signe. D'accord? Et lui, Abou Soufiane lui-même, il a dit par pudeur, je n'ai pas voulu mentir parce que si jamais j'ai menti, ils ne peuvent pas me démentir, je suis leur notable, je suis leur chef. Mais je n'accepte pas que les Arabes disent de moi un menteur. Et les kafirs, mécréants, mais ils ne baissent pas la tête. Ces valeurs, ils les ont gardées. Ils ont gardé ces valeurs, le courage, la véridicité, la sincérité, ils les ont gardées. Allah l'afia, on les a perdus. Notre communauté a perdu ça. Abou Soufiane s'est rapproché. Et puis, Hiraql, hadith, il est dans le Bukhari. Hadith numéro 7, au début déjà de l'Bukhari, Kitab Bad al-Wahi, Bad al-Khalq, début de la création, le premier volume, vous allez trouver ce hadith-là. Il lui a dit, fait-il partie d'une bonne lignée? Abou Soufiane lui a posé la question. Hiraql a posé la question à Abou Soufiane. Il lui a dit, fait-il partie d'une bonne lignée? Il a dit oui. Il a dit, parmi vous, y a-t-il quelqu'un avant lui qui est prétendu pareil que lui a prétendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prétendu avant lui quelque chose, la prophétie, être prophète? Il a dit non. Il a dit, l'un de ses pères était-il roi? Il a dit non. Il a dit, est-ce que c'est les notables qui le suivent ou les faibles? Il a dit, c'est les faibles qui le suivent. Il a dit, leur nombre, il augmente ou il diminue? Il a dit, il augmente. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui est sorti de cette religion par mépris à cette religion après l'avoir embrassé? Il a dit non. Il a dit, l'avez-vous accusé de menteur avant qu'il ne dise ce qu'il a dit? Il a dit non. Est-ce qu'il trahit? Abou Soufiane répond non. Et il a dit non, mais il a ajouté une chose. Il a dit, pour l'instant, il y a une trêve entre nous durant laquelle nous ne savons pas ce qu'il compte faire. La trêve de l'Hudaybiya, le pacte de l'Hudaybiya, il y a une trêve entre le prophète et Quraysh. Et Abou Soufiane, il a dit, je n'ai pas pu rentrer quelque chose qui peut le mettre en doute sur cette parole. Il ne trahit pas, mais on sait jamais, il se peut qu'il trahit. Il sous-entend ça. Dans une autre version, Hiraql ne s'est même pas intéressé de ce qu'il a dit, de la suite de ce qu'il a dit. Et puis il a dit, l'avez-vous combattu? Abou Soufiane a répondu oui. Il a dit, comment est le combat entre vous et lui? Il a dit, des fois c'est lui qui prévaut, c'est lui qui nous bat, et des fois c'est nous, chacun son tour. Il a dit, qu'est-ce qu'il vous recommande? Et Abou Soufiane, il répond. Il est mécréant, il répond, il dit, il nous recommande d'adorer Allah sans rien lui associer, d'abandonner ce que disaient nos parents, de faire la salade, d'être sincère, pudique, de respecter les liens du sang. Et Hiraql, il s'est adressé à son traducteur, c'est lui qui traduit. Il a dit, je t'ai interrogé sur son lignage, et tu m'as assuré qu'il était pur. Et de même, les prophètes font partie du meilleur lignage. D'accord? C'est la meilleure lignée de leur peuple. Ils sont choisis, ils font partie de la meilleure lignée de leur peuple. Et je t'ai demandé s'il avait dans sa parenté quelqu'un qui ait émis des prétentions semblables aux siennes. Et là, tu m'as répondu que non. Il a dit, je me suis dit que si quelqu'un l'avait dit avant lui, peut-être qu'il l'a pris comme modèle, il l'a pris comme exemple. Maintenant, regardez ce raisonnement d'un homme sensé. Il a dit, je t'ai demandé si l'un de ses parents était roi. Et tu as répondu que non. Si c'était le contraire, on dirait qu'il réclamait le royaume de son père. Je t'ai demandé si vous l'aviez accusé de menteur. Avant qu'il ne dise ce qu'il a dit, tu as répondu non. Je sais que c'est impossible qu'il se garde de vous mentir et d'aller mentir sur Allah. Clair? Je t'ai demandé si c'est les riches et les notables qui le suivent ou c'est les pauvres. Tu m'as répondu que c'est les faibles, que sont les faibles. Et je sais que ce sont les faibles qui suivent en premier les prophètes. Abu Jahl et tout Aqba ibn Abi Mu'ayt, les notables, ne l'ont pas suivi. Leur nombre s'accroît ou diminue. Tu as répondu que leur nombre, il s'accroît. De même l'affaire de l'Iman quand il augmente, quand il se propage. Quelqu'un a-t-il méprisé cette religion et s'en est détourné après l'avoir embrassé? Tu as dit que non. De même quand la foi ou quand l'iman se mêle au cœur. Quand la douceur de l'iman se mêle au cœur de la personne. Et c'était demandé si vous l'aviez combattu, tu as répondu que oui, vous l'aviez combattu. Et chacun à son tour, il bat l'autre. Et de même, les prophètes sont mis à l'épreuve. C'est demandé s'il trahit, tu as répondu que non, il ne trahit pas, de même que les prophètes ne trahissent pas. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, c'est un prophète. Claire. N'avait avant aucun. Dihya al-Kalbi n'a pas encore, le compagnon du prophète, n'a pas encore ramené de verset, n'a pas encore ramené le message. Mais rien qu'avec cette raison simple, pure, raisonnement logique, il a pu déduire que c'est un prophète. D'accord ? Il a pu déduire. Il a dit, je savais qu'il va sortir, mais je n'avais jamais cru qu'il fait partie de vous, ça veut dire des Arabes. J'aimerais bien le rencontrer, mais je ne sais pas s'il est de mon pouvoir de le faire. Et bon, il sait que s'il essaie de le faire, il va être tué, parce qu'en plus il a peur pour son royaume. Il a dit, si j'étais chez lui, je lui laverais ses pieds, et son royaume atteindra là où je pose mes pieds. D'accord ? Donc ça, pour vous dire... Preuve de la prophétie du prophète, preuve que Mohammed est l'envoyé d'Allah, d'abord le témoignage d'Allah. Deuxième, les qualités, ses qualités. Donc la raison, on utilise notre raison. Par le raisonnement, on peut... Par la raison, on dit, voilà, il est le dernier des prophètes, les autres livres ont été falsifiés. Donc il faut quelqu'un qui rétablit les erreurs, qui corrige les erreurs des prophètes qui l'ont précédé. Allah, il ne peut pas laisser sa communauté dans l'égarement. Voilà, un raisonnement logique qui peut attirer la personne à l'islam et à témoigner que Mohammed est l'envoyé d'Allah. D'accord ? Et troisièmement, c'est quoi le troisièmement ? C'est l'ayat, c'est les miracles, c'est le mu'jiza. Donc, c'est en troisième degré que l'ayat, les miracles, la lune qui se fend en deux, le morceau de viande qui lui parle à Khaybar, quand il a été empoisonné, que le morceau de viande, il dit, je suis empoisonné, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est empoisonné, c'est un miracle. L'eau qui jaillit de ses doigts, le voyage nocturne, le fait qu'il soit élevé vers le septième siècle, le septième ciel, donc tout ça... C'est les miracles, ils prouvent la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les vrais croyants, ça leur suffit les deux premières preuves. Ça veut dire le témoignage d'Allah et la raison. D'accord ? Et ceux qui cherchent les miracles ou les prodiges, en général, sont soit les mécréants, soit ceux qui ont la foi basse. Ils n'ont pas vraiment cette conviction. D'accord ? Et quand il n'a pas cette conviction, il cherche quelque chose de concret. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ Les mécréants, qu'est-ce qu'ils ont dit dans Sourate l'Isra? Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source. حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا Ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu prétends le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. Ou yakuna laka baytun min zukhruf, ou tarqa fi s-samaa, wa lam nu'mina li ruqyika hatta tunzila alayna kitaban naqra'uh. Il cherche quelque chose prodigieux, les miracles. Il veut voir quelque chose. Ça ne lui suffit pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne lui suffit pas la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa personnalité, son équité, son courage, sa haute moralité, ça ne lui suffit pas. Ou yakuna laka baytun min zukhruf. Ou que tu aies une maison garnie d'ornements. Regarde ce qu'il demande. Ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Et regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, Allah il dit au prophète, voilà ce que tu vas répondre. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basara rasoula. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basara rasoula. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager. Dans Sourate Isra, le verset 93. Si on descend, verset 93, On descend jusqu'au verset 96. Regarde ce qu'il dit. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dis, Allah suffit comme témoin. Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. كَفَى بِاللَّهِ. Ça suffit qu'Allah soit témoin. Ça nous suffit, nous les croyants, les gens de la sunna et de la communauté. Ça nous suffit sa parole. D'accord, ça suffit le Coran. Et dans un autre verset, là, suivez bien. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre. Là, il touche la raison. Il touche la raison. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre. Et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Et même les ennemis auraient touché à la... auraient mis le doute dans les gens qui ont la foi basse. D'accord ? Ils ont dit, écoute, c'est un écrivain. Avant, il écrivait des livres. Donc ce livre-là, il fait partie de ces livres. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Tu ne récitais avant aucun livre. Et tu n'as écrit aucun livre. Sinon, les gens auraient propagé des doutes sur ça. Donc ça, c'est l'éminence du prophète, mais c'est un défi aussi. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Il consiste plutôt en des versets évidents au cœur à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. Donc c'est des versets qu'acceptent les cœurs de ceux qu'Allah a donné le savoir et les vrais croyants. D'accord. بل هو آيات في قلوب الذين. La suite. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Qui dit ça? Le « il », le pronom personnel, pluriel. Il est le mécréant. Ils cherchent des prodiges. Ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? D'accord. La suite dit, les prodiges sont auprès d'Allah, mais je ne suis qu'un avertisseur bien clair. La suite. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Nous, ça nous suffit qu'il lui soit récité les versets d'Allah. Ne leur suffit-il point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra li qawmi yu'minun. Qul kafa billahi bayni wa baynakum shahida. Dit Allah, suffit comme témoin entre moi et vous. Ça suffit qu'Allah soit témoin. Ça suffit que le prophète soit témoin. Ça nous suffit, nous, la parole d'Allah. D'accord? Ceux qui ont moins de conviction, pour avoir cette conviction, ils cherchent quelque chose de concret. Peut-être se prosterner prendre un morceau de terre de Karbala, là où a été enterré Hussein ibn Ali, et le mettre dans un sac. Et à chaque fois qu'il prosterne, il veut du concret, du matériel. Il veut que le concret touche son... Il veut voir le prophète dans le rêve. Il n'est pas sûr. Il veut le voir. Il dit, moi j'ai vu la lumière d'Allah, Masha'Allah, j'ai vu la lumière d'Allah, j'ai vu le prophète, pour s'assurer qu'il est dans la bonne voie. Nous, ça nous suffit, la parole d'Allah. Vous touchez la chose sur la réalité en vie, hein? Vous le touchez. Quand la personne tombe malade, il cherche un guérisseur. Il dit, je cherche Ruqya, je cherche quelqu'un. Ah oui, peut-être, non, celui-là, la barbe, elle est seulement de 10 cm. Il faut chercher quelqu'un qui a 50 cm. Ah là, oui, là, je suis sûr. Il n'a pas cette conviction sur les paroles d'Allah. Non. Donc, il s'accroche aux gens. Il cherche la bénédiction auprès des gens. S'essuyer aux camis des gens, aux barbes des gens. N'être sûr que si... Quand il donne des arguments sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas kafa billahi shahidan bayni wa baynakum, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Non, il dit sabar masha Allah. Regardez, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains et la pluie est tombée. Et il a l'eau a jailli de ses doigts. La lune s'est fondue en deux. D'accord. Donc, il cherche toujours des choses matérielles pour renforcer cette conviction. D'accord. Pour renforcer. Il attend des prodiges. Mettre l'eau dans le réservoir ou dans le moteur de l'essence, dans le moteur de la voiture, il a dit, la voiture, il a marché malgré ça. Il n'est pas convaincu de voir les signes, les versets révélés et les signes universels. Les étoiles, ça prouve l'existence d'Allah et c'est lui qui est en droit d'être adoré. Les versets révélés, ça nous suffit, nous les musulmans.